Il allait rentrer quand il distingua soudain un bruit assez difficile à exprimer et qui devait être produit par des hommes en chaussons de lisière montant l'escalier. Eugène prêta l'oreille et reconnut en effet le son alternatif de la respiration de deux hommes. Sans avoir entendu ni le cri de la porte ni les pas des hommes, il vit tout à coup une faible lueur au second étage chez M. Vautrin. Voilà bien des mystères dans une pension bourgeoise, se dit-il. Il descendit quelques marches, se mit à écouter, et le son de l'or frappa son oreille. Bientôt, la lumière fut éteinte, les deux respirations se firent entendre de rechef sans que la porte eût crié. Puis, à mesure que les deux hommes descendirent, le bruit alla s'affaiblissant. « Qui va là ?» cria Madame Vauquet en ouvrant la fenêtre de sa chambre. « C'est moi qui rentre, Maman Vauquet !» dit Vautrin de sa grosse voix. C'est singulier. Christophe avait mis les verrous, se dit Eugène en rentrant dans sa chambre. Il faut veiller pour bien savoir ce qui se passe autour de soi dans Paris. Détourné par ces petits événements, de sa méditation ambitieusement amoureuse, il se mit au travail. Distrait par les soupçons qui lui venaient sur le compte du père Goriot, plus distrait encore par la figure de Madame de Restaud, qui de moment en moment se posait devant lui comme la messagère d'une brillante destinée, il finit par se coucher et par dormir à point fermé. Sur 10 nuits promises au travail par les jeunes gens, ils en donnent 7 au sommeil. Il faut avoir plus de 20 ans pour veiller.